Section 6 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 6. Herlock Sholmès ouvre les hostilités. Suite. À l'instant même où Lupin me quittait, Herlock Sholmès tirait sa montre et se levait à son tour. 9h-20. À 9h, je dois retrouver le comte et la comtesse à la gare. En route, s'exclama Wilson, avalant coup sur coup deux verres de whisky. Ils sortirent. Wilson, ne tournez pas la tête. Peut-être sommes-nous suivis. En ce cas, agissons comme s'il ne nous importait point de l'être. Dis donc, Wilson, donnez-moi votre avis. Pourquoi Lupin était-il dans ce restaurant? Wilson n'hésitait pas. Pour manger. Wilson, plus nous travaillons ensemble et plus je m'aperçois de la continuité de vos progrès. Ma parole, vous devenez étonnant. Dans l'ombre, Wilson rougit de plaisir, et Sholmès reprit. Pour manger, soit, et ensuite, tout probablement, pour s'assurer si je vais bien à Crozon comme l'annonce Ganimard dans son interview. Je pars donc afin de ne pas le contrarier. Mais comme il s'agit de gagner du temps sur lui, je ne pars pas. Ah ! Fit Wilson, interloqué. Vous, mon ami, filez par cette rue. Prenez une voiture, deux, trois voitures. Revenez plus tard chercher les valises que nous avons laissées à la consigne et au galop jusqu'à l'Élysée Palace. Et à l'Élysée Palace, vous demanderez une chambre où vous vous coucherez, où vous dormirez à point fermé et attendrez mes instructions. Wilson, tout fier du rôle important qui lui était assigné, s'en alla. Herlock Sholmès prit son billet et se rendit à l'express d'Amiens où le comte et la comtesse de Crozon étaient déjà installés. Il se contenta de les saluer, alluma une seconde pipe et fuma paisiblement, debout, dans le couloir. Le train s'ébranla. Au bout de 10 minutes, il vint s'asseoir auprès de la comtesse et lui dit « Vous avez là votre bague, madame ?»« Oui. »« Ayez l'obligeance de me la prêter. » Il la prit et l'examina. « C'est bien ce que je pensais. C'est du diamant reconstitué. »« Du diamant reconstitué ?»« Un nouveau procédé qui consiste à soumettre de la poussière de diamant à une température énorme, de façon à la réduire en fusion, et à n'avoir plus qu'à la reconstituer en une seule pierre. »« Comment ? Mais mon diamant est vrai !»« Le vôtre, oui. Mais celui-là n'est pas le vôtre. » « Où donc est le mien ?»« Entre les mains d'Arsène Lupin. »« Et alors, celui-là ?»« Celui-là a été substitué au vôtre et glissé dans le flacon de M. Bleschen où vous l'avez retrouvé. »« Il est donc faux ?»« Absolument faux. » Interdite, bouleversée, la comtesse se taisait, tandis que son mari, incrédule, tournait et retournait le bijou en tous sens. Elle finit par balbutier. « Est-ce possible? Mais pourquoi ne l'a-t-on pas volé tout simplement? Et puis, comment l'a-t-on pris? » « C'est précisément ce que je vais tâcher d'éclaircir. »« Au château de Crozon? » « Non. Je descends à Creil et je retourne à Paris. C'est là que doit se jouer la partie entre Arsène Lupin et moi. Les coups vaudront pour un endroit comme pour l'autre. » Mais il est préférable que Lupin me croie en voyage. Cependant, que vous importe, madame ? L'essentiel, c'est votre diamant, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, soyez tranquille. J'ai pris tout à l'heure un engagement beaucoup plus difficile à tenir. Foi d'Herlock Sholmès, je vous rendrai le véritable diamant. Le train ralentissait. Il mit le faux diamant dans sa poche et ouvrit la portière. Le comte s'écria. Mais vous descendez à contre-voie. De cette manière, si Lupin me fait surveiller, on perd ma trace. Adieu. Un employé protesta vainement. L'anglais se dirigea vers le bureau du chef de gare. 50 minutes après, il sautait dans un train qui le ramenait à Paris un peu avant minuit. Il traversa la gare en courant, rentra par le buffet, sortit par une autre porte et se précipita dans un fiacre. Coché, rue Clapeyron. Ayant acquis la certitude qu'il n'était pas suivi, il fit arrêter sa voiture au commencement de la rue et se livra à un examen minutieux de la maison de maître de Tinan et des deux maisons voisines. À l'aide d'enjambées égales, il mesurait certaines distances et inscrivait des notes et des chiffres sur son carnet. Coché, avenue Henri Martin. Au coin de l'avenue et de la rue de la Pompe, il régla sa voiture, suivit le trottoir jusqu'au 134 et recommença les mêmes opérations devant l'ancien hôtel du baron d'Autrec et les deux immeubles de rapport qui l'encadrent, mesurant la largeur des façades respectives et calculant la profondeur des petits jardins qui précèdent la ligne de ces façades. L'avenue était déserte et très obscure sous ces quatre rangées d'arbres entre lesquels, de place en place, un bec de gaz semblait lutter inutilement contre des épaisseurs de ténèbres. L'un d'eux projetait une pâle lumière sur une partie de l'hôtel, et Sholmès vit la pancarte, à louer, suspendue à la grille. Les deux allées incultes qui encerclaient la menue pelouse et les vastes fenêtres vides de la maison inhabitée. « C'est vrai, se dit-il, depuis la mort du baron, il n'y a pas de locataire. Ah, si je pouvais entrer et faire une première visite !» Il suffisait que cette idée l'effleurât pour qu'il voulût la mettre en exécution. Mais comment ? La hauteur de la grille rendant impossible toute tentative d'escalade, il tira de sa poche une lanterne électrique et une clé passe-partout qu'il ne quittait pas. À son grand étonnement, il s'avisa qu'un des battants était entrouvert. Il se glissa donc dans le jardin en ayant soin de ne pas refermer le battant. Mais il n'avait pas fait 3 pas qu'il s'arrêta. À l'une des fenêtres du second étage, une lueur avait passé. Et la lueur repassa à une deuxième fenêtre et à une troisième, sans qu'il pût voir autre chose qu'une silhouette qui se profilait sur les murs des chambres. Et du second étage, la lueur descendit au premier, et longtemps erra de pièce en pièce. Qui diable peut se promener à 1 heure du matin dans la maison où le baron d'Autrec a été tué ? Se demanda Herlock, prodigieusement intéressé. Il n'y avait qu'un moyen de le savoir, c'était de s'y introduire soi-même. Il n'hésita pas. Mais au moment où il traversait pour gagner le perron, la bande de clarté que lançait le bec de gaz, l'homme dut l'apercevoir, car la lueur s'éteignit soudain et Herlock Sholmès ne la revit plus. Doucement, il appuya sur la porte qui commandait le perron. Elle était ouverte également. N'entendant aucun bruit, il se risqua dans l'obscurité, rencontra la pomme de la rampe et monta un étage. Et toujours le même silence, les mêmes ténèbres. Arrivé sur le palier, il pénétra dans une pièce et s'approcha de la fenêtre que blanchissait un peu la lumière de la nuit. Alors il avisa dehors l'homme qui, descendu sans doute par un autre escalier et sorti par une autre porte, se faufilait à gauche, le long des arbustes qui bordent le mur de séparation entre les deux jardins. « Fiche !» s'écria Sholmès. « Il va m'échapper !» Il dégringola l'étage et franchit le perron afin de lui couper toute retraite. Mais il ne vit plus personne. Il lui fallut quelques secondes pour distinguer dans le fouillis des arbustes une masse plus sombre qui n'était pas tout à fait immobile. L'Anglais réfléchit. Pourquoi l'individu n'avait-il pas essayé de fuir alors qu'il l'eût pu si aisément ? Demeurait-il là pour surveiller à son tour l'intrus qui l'avait dérangé dans sa mystérieuse besogne? En tout cas, pensa-t-il, ce n'est pas Lupin. Lupin serait plus adroit. C'est quelqu'un de sa bande. De longues minutes s'écoulèrent. Herlock ne bougeait pas, l'œil fixé sur l'adversaire qui l'épiait. Mais comme cet adversaire ne bougeait pas davantage et que l'Anglais n'était pas homme à se morfondre dans l'inaction, il vérifia si le barillet de son revolver fonctionnait, dégagea son poignard de sa gaine et marcha droit sur l'ennemi avec cette audace froide et ce mépris du danger qui le rendent si redoutable. Un bruit sec. L'individu armait son revolver. Herlock se jeta brusquement dans le massif. L'autre n'eut pas le temps de se retourner. L'Anglais était déjà sur lui. Il y eut une lutte violente, désespérée, au cours de laquelle Herlock devinait l'effort de l'homme pour tirer son couteau. Mais Sholmès, qu'exaspérait l'idée de sa victoire prochaine, le désir fou de s'emparer, dès la première heure, de ce complice d'Arsène Lupin, sentait en lui des forces irrésistibles. Il renversa son adversaire, pesa sur lui de tout son poids et l'immobilisant de ses cinq doigts plantés dans la gorge du malheureux comme les griffes d'une serre, de sa main libre, il chercha sa lanterne électrique, en pressa le bouton et projeta la lumière sur le visage de son prisonnier. « Wilson » hurla-t-il, terrifié. « Herlock Sholmès !» balbutia une voix étranglée, caverneuse. Ils demeuraient longtemps l'un près de l'autre sans échanger une parole, tous deux anéantis, le cerveau vide. La corne d'une automobile déchira l'air. Un peu de vent agita les feuilles. Et Sholmès ne bougeait pas, les cinq doigts toujours agrippés à la gorge de Wilson, qui exhalait un râle de plus en plus faible. Et soudain, Herlock, envahi d'une colère, lâcha son ami, mais pour l'empoigner par les épaules et le secouer avec frénésie. « Que faites-vous là? Répondez, quoi? Est-ce que je vous ai dit de vous fourrer dans les massifs et de m'espionner? »« Vous espionnez, gémit Wilson, mais je ne savais pas que c'était vous. »« Alors quoi? Que faites-vous là? Vous deviez vous coucher. »« Je me suis couché. Il fallait dormir. » J'ai dormi. Il ne fallait pas vous réveiller. Votre lettre. Ma lettre? Oui, celle qu'un commissionnaire m'a apportée de votre part à l'hôtel. De ma part? Vous êtes fou. Je vous jure. Où est cette lettre? Son ami lui tendit une feuille de papier. À la clarté de sa lanterne, il lut avec stupeur. Wilson, hors du lit et filez avenue Henri-Martin. La maison est vide. Entrez, inspectez, dressez un plan exact et retournez vous coucher. Herlock Sholmès. J'étais en train de mesurer les pièces, dit Wilson, quand j'ai aperçu une ombre dans le jardin. Je n'ai eu qu'une idée. C'est de vous emparer de l'ombre. L'idée était excellente. Seulement, voyez-vous, dit Sholmès en aidant son compagnon à se relever et en l'entraînant une autre fois, Wilson, lorsque vous recevez une lettre de moi, assurez-vous d'abord que mon écriture n'est pas imitée. Mais alors, fit Wilson, commençant à entrevoir la vérité, la lettre n'est donc pas de vous? Hélas, non. De qui? D'Arsène Lupin. Mais dans quelle bulle l'a-t-il écrite? Ah, ça, je n'en sais rien. Et c'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi diable s'est-il donné la peine de vous déranger? S'il s'agissait encore de moi, je comprendrais. Mais il ne s'agit que de vous, et je me demande quel intérêt. J'ai hâte de retourner à l'hôtel. Moi aussi, Wilson. Ils arrivaient à la grille. Wilson, qui se trouvait en tête, saisit un barreau et tira. « Tiens, dit-il, vous avez fermé? » « Mais nullement. J'ai laissé le battant tout contre. » Cependant, Herlock tira à son tour, puis, effaré, se précipita sur la serrure. Un juron lui échappa. « Tonnerre de Dieu! Elle est fermée! Fermée à clé! » Il ébranla la porte de toute sa vigueur, puis comprenant la vanité de ses efforts, laissa tomber ses bras, découragé, et l'articula d'une voix saccadée. « Je m'explique tout maintenant. C'est lui. Il a prévu que je descendrais à Créy, et il m'a tendu ici une jolie petite souricière pour le cas où je viendrais commencer mon enquête le soir même. » En outre, il a eu la gentillesse de m'envoyer un compagnon de captivité. Tout cela pour me faire perdre un jour, et aussi, sans doute, pour me prouver que je ferais bien mieux de me mêler de mes affaires. C'est-à-dire que nous sommes ses prisonniers. Vous avez dit le mot. Herlock Sholmès et Wilson sont les prisonniers d'Arsène Lupin. L'aventure s'engage à merveille. Mais non, il n'est pas admissible. Une main s'abattit sur son épaule, la main de Wilson. Là-haut, regardez là-haut, une lumière. En effet, l'une des fenêtres du premier étage était illuminée. Ils s'élancèrent tous deux au pas de course, chacun par son escalier, et se retrouvèrent en même temps à l'entrée de la chambre éclairée. Au milieu de la pièce brûlait un bout de bougie. À côté, il y avait un panier, et de ce panier émergeait le goulot d'une bouteille, les cuisses d'un poulet et la moitié d'un pain. Sholmès éclata de rire. À merveille, on nous offre à souper. C'est le palais des enchantements, une vraie féerie. Allons, Wilson, ne faites pas cette figure d'enterrement. Tout cela est très drôle. Êtes-vous sûr que ce soit très drôle? Gémit Wilson, lugubre. Si j'en suis sûr, s'écria Sholmès, avec une gaieté un peu trop bruyante pour être naturelle, c'est-à-dire que je n'ai jamais rien vu de plus drôle. C'est du bon comique. Quel maître ironiste que cet Arsène Lupin! Il vous roule, mais si gracieusement. Je ne donnerai pas ma place à ce festin pour tout l'or du monde. Wilson, mon vieil ami, vous me chagrinez. Me serais-je mépris et n'auriez-vous point cette noblesse de caractère qui aide à supporter l'infortune? De quoi vous plaignez-vous? À cette heure, vous pourriez avoir mon poignard dans la gorge, ou moi le vôtre dans la mienne. Car c'est à bien ce que vous cherchiez, mauvais ami. Il parvint, à force d'humour et de sarcasme, à ranimer ce pauvre Wilson et à lui faire avaler une cuisse de poulet et un verre de vin. Mais quand la bougie eut expiré, qu'ils durent s'étendre pour dormir sur le parquet et accepter le mur comme oreiller, le côté pénible et ridicule de la situation leur apparut, et leur sommeil fut triste. Au matin, Wilson s'éveilla, courbaturé et transi de froid. Un léger bruit attirait son attention. Herlock Sholmès, à genoux, courbé en deux, observait à la loupe des grains de poussière et relevait des marques de craie blanche, presque effacées, qui formaient des chiffres, lesquels chiffres il inscrivait sur son carnet. Escorté de Wilson, que ce travail intéressait d'une façon particulière, il étudia chaque pièce, et dans deux autres, il constata les mêmes signes à la craie. Et il nota également deux cercles sur des panneaux de chêne, une flèche sur un lambris et quatre chiffres sur 4 degrés d'escalier. Au bout d'une heure, Wilson lui dit « Les chiffres sont exacts, n'est-ce pas ?»« Exacts, j'en sais rien, » répondit Herlock, à qui de telles découvertes avaient rendu sa belle humeur. « En tout cas, il signifie quelque chose. »« Quelque chose de très clair, » dit Wilson. Il représente le nombre des lames de parquet. Ah! Oui, quant aux deux cercles, il indique que les panneaux sonnent faux, comme vous pouvez vous en assurer, et la flèche est dirigée dans le sens de l'ascension du mont plat. Herlock Sholmès le regarda, émerveillé. Ah ça, mon bon ami, comment savez-vous tout cela? Votre clairvoyance me rend presque honteux. « Oh, c'est bien simple, » dit Wilson, gonflé de joie. « C'est moi qui ai tracé ces marques hier soir, suivant vos instructions, ou plutôt suivant celles de Lupin, puisque la lettre que vous m'avez adressée est de lui. » Peut-être Wilson courut-il à cette minute un danger plus terrible que pendant sa lutte dans le massif avec Sholmès. Celui-ci eut une envie féroce de l'étrangler. Se dominant, il esquissa une grimace qui voulait être un sourire et prononça « Parfait, parfait. Voilà de l'excellente besogne et qui nous avance beaucoup. Votre admirable esprit d'analyse et d'observation s'est-il exercé sur d'autres points? Je profiterai des résultats acquis. » « Ma foi, non, j'en suis resté là. Dommage. Le début promettait. Mais puisqu'il en est ainsi, nous n'avons plus qu'à nous en aller. » « Nous en aller? Et comment ?» Selon le mode habituel des honnêtes gens qui s'en vont, par la porte. Elle est fermée. On l'ouvrira. Qui? Veuillez appeler ces deux policemen qui déambulent sur l'avenue. Mais quoi? C'est fort humiliant. Que dirait-on quand on saura que vous, Herlock Sholmès, et moi, Wilson, nous avons été prisonniers d'Arsène Lupin. Que voulez-vous, mon cher? On rira à se tenir les côtes, répondit Herlock, la voix sèche, le visage contracté. Mais nous ne pouvons pourtant pas élire domicile dans cette maison. Et vous ne tentez rien? Rien. Cependant, l'homme qui nous a apporté le panier de provisions n'a traversé le jardin ni à son arrivée ni à son départ. Il existe donc une autre issue. Cherchons-la et nous n'aurons pas besoin de recourir aux agents. Puissamment raisonné. Seulement, vous oubliez que cette issue, toute la police de Paris l'a cherchée depuis 6 mois et que moi-même, tandis que vous dormiez, j'ai visité l'hôtel du haut en bas. Ah, mon bon Wilson, Arsène Lupin est un gibier dont nous n'avons pas l'habitude. Il ne laisse rien derrière lui, celui-là. À 11 heures, Herlock Sholmès et Wilson furent délivrés et conduits au poste de police le plus proche, où le commissaire, après les avoir sévèrement interrogés, les relâcha avec une affectation d'égard tout à fait exaspérante. « Je suis désolé, messieurs, de ce qui vous arrive. Vous allez avoir une triste opinion de l'hospitalité française. Mon Dieu, quelle nuit vous avez dû passer! Ah, ce Lupin manque vraiment d'égard. » Une voiture les mena jusqu'à l'Élysée Palace. Au bureau, Wilson demanda la clé de sa chambre. Après quelques recherches, l'employé répondit, très étonné, « Mais, monsieur, vous avez donné congé de cette chambre. » « Moi? Et comment? » « Par votre lettre de ce matin, que votre ami nous a remise. » « Quel ami? » « Le monsieur qui nous a remis votre lettre. Tenez, votre carte de visite y est encore jointe. Les voici. » Wilson les prit. C'était bien une de ses cartes de visite et, sur la lettre, c'était bien son écriture. « Seigneur Dieu, murmura-t-il, voilà encore un vilain tour. » Il ajouta anxieusement, « Et les bagages? Mais votre ami les a emportés. Ah, et vous les avez donnés? Certes, puisque votre carte nous y autorisait. En effet, en effet. » Ils s'en allèrent tous deux à l'aventure, par les Champs-Élysées, silencieux et lents. Un joli soleil d'automne éclairait l'avenue. L'air était doux et léger. Au rond-point, Herlock alluma sa pipe et se remit en marche. Wilson s'écria. « Je ne vous comprends pas, Sholmès. Vous êtes d'un calme. On se moque de vous. On joue avec vous comme un chat joue avec une souris, et vous ne soufflez pas mot. » Sholmès s'arrêta et lui dit. « Wilson, je pense à votre carte de visite. » « Eh bien ?»« Eh bien, voilà un homme qui, en prévision d'une lutte possible avec nous, s'est procuré des spécimens de votre écriture et de la mienne, et qui possède, toute prête dans son portefeuille, une de vos cartes. Songez-vous à ce que cela représente de précaution, de volonté perspicace, de méthode et d'organisation. C'est-à-dire, Wilson, que pour combattre un ennemi si formidablement armé, si merveilleusement préparé, et pour le vaincre, il faut être moi. Et encore, comme vous le voyez, Wilson, ajouta-t-il en riant, on ne réussit pas du premier coup. À 6 heures, l'Écho de France, dans son édition du soir, publiait cet entrefilet. Ce matin, M. Thénard, commissaire de police du 16e arrondissement, a libéré M. Herlock Sholmès et Wilson, enfermés par les soins d'Arsène Lupin dans l'hôtel du défunt baron d'Autrec, où ils avaient passé une excellente nuit. Allégés en outre de leur valise, ils ont déposé une plainte contre Arsène Lupin. Arsène Lupin qui, pour cette fois, s'est contenté de leur infliger une petite leçon, les supplie de ne pas le contraindre à des mesures plus graves. « Bah !» fit Herlock Sholmès en froissant le journal. « Des gamineries. C'est le seul reproche que j'adresse à Lupin. Un peu trop d'enfantillage. La galerie compte trop pour lui. » Il y a du Gavroche dans cet homme. Ainsi donc, Herlock, toujours le même calme? Toujours le même calme, répliqua Sholmès avec un accent où grondait la plus effroyable colère. À quoi bon m'irriter? Je suis tellement sûr d'avoir le dernier mot. Fin de la section 6.